L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Des astronomes viennent de produire une carte complète du ciel dans une longueur d'onde particulière, 21 cm. La longueur d'onde d'émission de l'hydrogène atomique neutre. Ce relevé, nommé Hi4Pi, est la première carte du genre traçant sur tout le ciel en détail l'hydrogène contenu dans notre galaxie. Cette cartographie de grande ampleur a été effectuée à l'aide de deux radiotélescopes, celui de 100 mètres de diamètre de Effelsberg en Allemagne et celui de 64 mètres de Parkes en Australie, et a mobilisé plus d'un million d'observations individuelles pour environ 10 milliards de points sur tout le ciel. L'hydrogène atomique neutre, c'est-à-dire un seul atome formé d'un proton et d'un électron, a des propriétés différentes de celles de l'hydrogène moléculaire, H2. Il est considéré être un excellent traceur quantitatif de la matière interstellaire dans la galaxie. Sa distribution spatiale est donc couramment utilisée pour corriger des observations allant des rayons gamma aux infrarouges. L'arrêt à 21 cm, soit 1420 MHz, qui est appelé l'arrêt de structure hyperfine et qui correspond à la transition de l'électron de l'atome d'hydrogène d'une orientation up à une orientation down de son spin, a été prédite en 1945 par le néerlandais Hendrik van de Hulst et découverte en provenance de la Voie lactée 6 ans plus tard par Oort et Müller. Le même van de Hulst déduisit en 1954, grâce à l'observation de cette raie de l'hydrogène, que notre galaxie avait une forme spirale. Mais la mesure de l'intensité des ondes radio de 21 cm est rendue plus difficile aujourd'hui que dans les années 50, du fait des nombreux parasites produits par l'activité humaine. Les données doivent être traitées pour être débruité avec des algorithmes avancés. Le temps de traitement des données brutes de Hi4Pi a duré plus longtemps que les milliers d'heures d'observation nécessaires pour les produire. Cette nouvelle carte améliore le précédent relevé du même type, vieux de 20 ans, par un facteur 2 en sensibilité et par un facteur 4 en résolution angulaire. Elle permet notamment de distinguer pour la première fois de fins détails de structures se trouvant entre des étoiles de la Voie lactée. Des structures en forme de filaments n'avaient encore jamais été vues et des petits nuages qui paraissent nourrir la formation stellaire depuis plusieurs milliards d'années apparaissent désormais clairement. L'obtention d'une image plus claire de la répartition de l'hydrogène atomique dans la Voie lactée va aider les astronomes dans l'exploration des galaxies éloignées. En effet, tous les photons que nous recevons des sources extragalactiques doivent traverser l'hydrogène de notre galaxie avant de parvenir sur nos détecteurs ou dans nos pupilles. La nouvelle carte de Hi4Pi permettra d'apporter des corrections plus précises sur ces données. La collaboration Hi4Pi publie son travail dans la revue Astronomy and Astrophysics. Et il ne s'agit pas simplement d'une seule carte recensant la quantité d'hydrogène atomique rencontrée, mais aussi de la répartition de la vitesse de cet hydrogène. Les mesures sont en effet couplées à des mesures spectroscopiques qui fournissent la variation de l'émission H1 autour de sa longueur d'onde de référence, 21 cm. L'effet Doppler produit un décalage spectral vers les petites longueurs d'onde pour le gaz qui s'approche de nous, et vers les grandes longueurs d'onde pour celui qui s'éloigne, proportionnellement à la vitesse. On obtient alors une vue multidimensionnelle de l'hydrogène du ciel. Alors à noter que les grosses taches en bas à droite de la carte ne sont pas des artefacts, mais il s'agit simplement de deux galaxies naines satellites de la Voie lactée, le petit et le grand nuage de Magellan. Car il y a aussi de l'hydrogène neutre dans les galaxies naines, bien sûr. L'article de la collaboration Hi4Pi s'intitule Hi4Pi, a full sky H1 survey based on abyss and gas. Il est paru dans Astronomy and Astrophysics, le volume 594, en date du 20 octobre 2016. Et bien évidemment, vous retrouvez cette très jolie carte du ciel de l'hydrogène dans le billet du blog Ça se passe là-haut, car je le rappelle, Ça se passe là-haut, c'est le blog où l'univers du gaz interstellaire qui se contemple indéfiniment. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Vous retrouvez ce podcast comme toujours sur iTunes, sur PodCloud et toujours sur Stitcher. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut !